Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Ah, Stéphanie Gagné, ton plat favori, qu'est-ce que c'est cette semaine? Ah, je t'en avais parlé un peu jeudi passé. Est-ce que t'en as écouté? Non. Bon, je me garde la surprise. Parce que j'en ai parlé la semaine passée, mais je voulais pas que Mathieu en écoute. Je voulais pas gâcher la surprise. Tu me l'avais dit en plus, que j'ai fait exprès pour pas l'écouter. Parce que j'ai hâte de voir la tronche que tu vas faire quand tu vas entendre la pièce. Ah oui? Ah, c'est bon signe ou c'est pas bon signe, ça? Ben, je pense pas qu'il va aimer ça, mais non. Bon. Mon plat favori cette semaine, c'est James Blake. C'est un musicien de Londres. Il fait dans l'électronique expérimentale et un peu soul. Très jeune, il a 21 ans. Et l'année passée, il a quand même connu un succès commercial avec son premier single au Royaume-Uni. Mais c'est un peu étrange. Après ça, ça a été très bref comme succès commercial parce que quand on écoute l'album, on se dit c'est pas normal qu'il y ait eu un succès commercial parce que c'est très expérimental, c'est pas facile à écouter. Faut être très ouvert d'esprit puis c'est très peu radiophonique. OK. Mais je sais pas si je suis assez ouvert d'esprit pour ça. J'ai tendance à être un petit peu fermé aux choses commerciales, moi. Non, mais c'est vraiment pas commercial, justement. Non, je sais, mais si ça a eu du succès. Ouais, ça n'a pas le choix, c'est comme... Dans ma tête, si ça a du succès, c'est... J'aime pas ça. On comprend pas pourquoi ça a eu un succès commercial. Je sais. Alors, c'est ça. Son premier album homonyme est sorti le 15 février dernier. Et le premier single, en fait, c'est une reprise de Feist de son album The Reminder. C'est la pièce Limit Your Love, mais ça se ressemble vraiment pas, les deux versions. Il y a deux vidéoclips. Le premier, justement, pour Limit Your Love, très artistique. On voit des objets qui flottent. C'est assez difficile à décrire. Mais allez voir le clip, c'est très bon. On voit des verres d'eau qui vibrent au son de la grosse basse dans la pièce. C'est très bon. Et le deuxième clip, c'est pour le deuxième single, Willem Screams. La première fois que j'ai écouté une pièce de James Blake, c'était Limit to Your Love. Et je l'ai écouté sur mon portable, avec des écouteurs de portable, pas très de qualité. Cheap, disons-le. Ouais. Oui, exactement. Cheap. J'ai quand même aimé, mais après ça, j'en ai parlé à d'autres personnes qui m'ont dit « Non, faut que t'écoutes ça sur des bons écouteurs. » Et là, je l'ai réécouté et ça l'a tout changé parce que justement, les grosses basses qui font vibrer le verre d'eau dans le clip, on l'entend pas. On n'entend pas la basse sur le portable. Donc, il faut vraiment écouter la pièce. Dans le fond, quand je vais la faire jouer tout à l'heure, on va vraiment entendre les grosses basses. C'est vraiment génial. Ça change tout l'aspect de la chanson. Donc, écoutez-nous pas sur le stream ou encore sur votre réveil matin, tu sais. Parce que vous n'entendrez pas les grosses basses. Écoutez. C'est là que les gens écoutent la radio souvent. Écoutez dans votre iPod, acheter la pièce, allez télécharger la pièce, c'est vraiment super bon. L'album est assez simple, il y a très peu d'instruments, comme, admettons, I Never Learned to Share, une pièce, les 40 premières secondes, c'est juste des harmonies de voix de lui avec lui-même. Ah! Pendant les 40 premières secondes. C'est juste des harmonies de voix. Et dans cette pièce-là, il y a une seule phrase. Puis il répète la même phrase, mais avec plein de... D'effets. D'effets, c'est ça. Puis d'habitude, je déteste l'autotune. Tu sais, on en parle souvent. Oui. Je déteste l'autotune. OK, non, j'essaie de comprendre. Parce que tu me dis que c'est pas commercial, que ça a aucun... Okay. Mais tu me dis qu'il y a de l'autotune. Tu me dis qu'il y a juste une phrase dans la chanson. Attends, puis, tu vas entendre. Tu me dis que ça poigne. En tout cas. Puis il faut lever le son. Faut lever le son à ouais. T'écouteras le son, tu sais. Non. T'écouteras l'album, tu vas voir que c'est zéro accessible. Justement, okay. C'est pour ça que je pense que même toi, tu vas pas aimer ça parce que c'est pas assez accessible, pas parce que c'est trop commercial. Est-ce que j'ai l'air de gars qui aime la musique si accessible que ça? Non, je dis pas ça, mais c'est pas facile d'écoute. Ça, on dirait qu'il y a de la bisbille, là. Ouais. C'est pas le genre de musique que t'écoutes dans ton char, là. C'est le genre de musique que t'écoutes quand tu veux dormir. Est-ce qu'on peut l'écouter et en parler après, non? Okay. Ah, vas-y. Fais-la jouer. Ah, je trouve ça raisonnable comme façon de penser. Bon, mais allons-y. Vous êtes dans ton plat favori avec Stéphanie Gagné à Assemblage requis. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion, I like a map with no ocean. There's a limit to your love, your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean. There's a limit to your love, your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or care? There's a limit to your care. There's a limit to your care. So carelessly there. There's a limit to your care. C'est plate de dire que t'as encore raison, Stéphanie. Ah, je savais que t'allais pas aimer ça. Ouais, mais c'est pas rien. Elle a pas raison, mais elle a pas tort. Ouais, c'est ça. Mais... Oh. Ben, François et moi, on trouve qu'il se passe pas grand-chose en chanson. Ouais, pas que c'est fucké, mais c'est ça, c'est vraiment très doux, mettons. Oui, c'est doux. Ben, tu sais, c'est pas l'embarquer François. Il m'a dit qu'il aimait ça. Mais j'aime ça, non, j'aime ça. Écoute, je me cache pas dans, que j'aime dans. La pièce, mais c'est pas... je m'attendais, quand tu dis disais de quoi de fucké, je m'attendais à vraiment des sons vraiment très bizarres tout en même temps. Ouais, il y a ça dans les autres pièces. Parce que là, je parlais de tout l'album. Là. Ah ouais? Je parlais pas juste de cette pièce-là. Ah, bon, ben, OK. Il y en a une, là, il y a tellement de distorsions sur la voix qu'on comprend pas ce qu'il dit. Puis il y a plein de mélanges d'instruments. Puis là, il change le tempo. La chanson, elle ralentit, elle accélère. Combien qu'il y a d'albums? Un. Mais il y a plein de petits hippies qui sont sortis avant. Mais c'est ça. Mais quand je parlais de l'autotune, il y en a pas dans cette pièce-là. Mais habituellement, les gens utilisent l'autotune quand ils n'ont pas de talent pour chanter. Ouais. Fait qu'ils utilisent ça pour masquer les défauts de la voix. Uh-huh. Mais lui, c'est pas du tout comme ça. Lui, l'autotune amplifie les... les petits défauts que sa voix peut avoir et ça rajoute tellement de la beauté aux pièces. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Et c'était à mode aussi. Ouais, faut dire que c'était à mode. Faut dire que c'était à mode. C'est ça. Ça fait pas. Il fait dans l'électro. Tu sais? Bon. Électro, autotune, ça vient pas mal ensemble. Ben oui. Bon. Stéphanie Gagné, merci pour ton choix. C'est James Blake. Oui, James merci. Blake. Tu as le droit à ton opinion écœurant. Là-dedans. Ben oui, c'est ça. Ça peut dire qu'on en a. Tu as pensé ça au moins. Tout le monde en a parlé dans la dernière semaine. Là. Ben correct. J'espère, ouais. Reviens nous voir, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Elle ne reviendra plus. Donc, François, on continue avec les crudités de François-Olivier. Ah oh ouais, comme ça. Là. Oui. Tu me surprends. On a changé l'ordre depuis la dernière fois qu'on a fait cette chronique-là. Ton plat favori, ensuite les crudités, ensuite le dessert de Mathieu, parce que là, il faut un sens à la vie. Là. Écoute, Mathieu, tu vas me trouver très réfléchi et très intelligent. OK. Oui, ça va faire changement, oui. Ça va faire changement. Hein? Écoute, je te parle d'une exposition qui a lieu présentement au Centre culturel Pauline Julien. Arrête. Le même endroit où Biobazar sera le samedi 19 mars? Bam! C'est ça, exactement. Tout à fait. Et c'est Guimond, l'artiste, c'est Guimond. C'est mon ancien prof d'art plastique du secondaire. OK, Guimond, là, G-U-Y-M-O-N-T. Oui, c'est ça. C'est comme si j'avais déjà vu sur Facebook cet événement-là. Ouais. Ah, OK, ben oui, tout à fait. C'est le papa de Noémie qui était venu nous parler de la corderie. Noémie de la corderie. C'est ça, exactement. Ben oui. Donc, c'est son papa qui fait une exposition au Centre culturel Pauline Julien. Ça se déroule, je pense, tout le mois de mars. Et puis, ça se veut dans l'abstrait, mais pas tant que ça. En fait, lui, il dit que tout est calculé et que lui, il appelle ça de l'impressionnisme abstrait. Mais c'est très doux, là. C'est très doux. Il se caractérise comme ça. Il dit que son travail est d'ailleurs très réfléchi. Tous les tableaux sont extrêmement calculés. Ma manière de travailler, c'est instinct, réflexion. Chaque erreur est retravaillée afin de devenir à mon avantage. Ce que j'ai vu, j'ai pas assisté à l'exposition. J'attends d'aller voir Danny janvier, c'est le samedi, pour aller voir les œuvres. Mais ça me semble très beau. Il y a d'ailleurs une photo qui se retrouve dans le voir. Ah! Donc voilà! Voilà, ben c'est voilà. Bien ça! Au c'est Centre ça. Pauline Julien. C'est ça, exactement. Ça, c'était les crudités de François-Olivier. Maintenant, oui, c'est le dessert délicieux de Mathieu. Ça va être bon. Oui, toujours. Sucré à souhait. Oui, et l'autre côté, fibres. C'est comme des mini-wheats. On aime moins les fibres. Un peu moins. Ouais, entre autres. Peut-être que ça aussi, vous l'avez vu sur Facebook. Moi, ça m'a fasciné aussitôt que j'ai vu le lien. C'est le jeu Roche-Papier-Ciseaux. Sur le site du New York Times, est-ce que vous avez vu ça? Tu peux jouer à... Non. C'est génial. Allez voir sur assemblagerequis.com. J'ai posté le lien dans la section ton plat favori sur assemblagerequis.com dans les notes d'aujourd'hui, lundi 14 mars. OK, donc, ça nous raconte sur le site du New York Times que l'ordinateur imite le raisonnement humain en se bâtissant des règles simples et des moyennes statistiques. Donc, vous allez pouvoir tester votre stratégie. Oui, c'est ça. Et ça vous dit qu'est-ce que ça fait vraiment dans ce jeu-là. Donc, vous pouvez tester votre stratégie contre un ordinateur dans un jeu de roche-papier-ciseaux qui illustre une intelligence artificielle de base. Donc, vous avez deux modes différents. Novice, où l'ordinateur apprend de zéro. Donc, l'ordinateur, vraiment, tu vas voir comment l'ordinateur réfléchit quand il va jouer contre toi. Et un mode vétéran, où l'ordinateur prend 200 000 rondes d'expérience contre vous. Ça fait vraiment quelque chose de bien. Donc là, je vais jouer en choisissant le mode novice, juste pour vous donner qu'est-ce que le robot pense, que l'ordinateur pense. Donc disons, je fais, bon, roche, et lui va faire papier. OK, lui a gagné. Là, ensuite, je vais faire, mettons, papier. Et lui, il fait ciseaux, me coupe, il gagne. Là, je suis encore en mode novice. Là. Mettons, je retourne à la roche. Il prend les ciseaux, donc je gagne. Là, tu vois en bas de l'écran de l'ordinateur, ça dit ronde 1, j'ai appris que jouer contre papier, que jouer papier, bat la roche. Ronde 2, j'ai appris que jouer ciseaux, bat le papier. Ronde 3, j'ai appris que jouer la roche, bat les ciseaux. Donc là, il apprend les choses une à une. Et là, ça te montre en plein milieu, tu es en train de gagner pendant que je te parle. Ouais. donc, dans le milieu, ça va mettre des crochets à l'endroit où tu as choisi, dans le fond, qui a gagné et qu'est-ce que le symbole que tu as choisi. Tu peux avoir des égalités. Là, il va apprendre des choses avec les égalités aussi, avec tout ça. Et à la fin, à un moment donné, tu vas avoir une longue liste. Il va devenir comme... Il me déconcentre en gagnant, le gars. À la fin, ça va dire « J'ai appris tout ce que j'avais à apprendre. Maintenant, bon, tu peux juste continuer à jouer. » Gars, ronde 6, il vient de dire « J'ai correctement prédit que tu donnerais des ciseaux. » C'est bien, hein? Et là, tu peux virer l'écran et avoir des analyses. Donc, ça va dire « Bon, tes derniers lancers étaient ciseaux, roche, ciseaux, roche. Je vais voir si tu as fait ces quatre lancers de suite à un autre point dans le passé. » Donc, il va analyser les quatre. Il va aller voir dans toute la lignée de move que tu as fait au jeu, il va savoir, va pouvoir reproduire. Donc, dans le fond, il va savoir que quand tu fais roche, d'habitude, les chances sont bonnes que tu fasses ciseaux après. C'est super intelligent. C'est vraiment très, très fort. Rock, Paper, Scissors, You versus the Computer. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Je prends ma retraite. T'as gagné. 4 victoires, une défaite. Wow, François, hein? Yay! Est-ce que t'as eu de l'aide de Stéphanie? Moi, j'ai pas de preuve que t'as pas eu d'aide. Là. Non, j'ai pas eu d'aide. Je sais pas si Stéphanie pourrait confirmer. Ouais, en tout cas. Mais non, je sais pas. Il y a pas eu d'aide. Bon. Allez voir ça, allez jouer. Renseignez-vous sur comment ça marche, là, comment un ordinateur peut réfléchir sur quelque chose qui nous apparaît très simple, mais qui en même temps, mathématiquement, est assez compliqué. Bon, ouais, tout à fait. Le jeu de roche-papier-ciseaux. Voilà, merci à François-Olivier. Merci à Stéphanie. Merci à Mathieu Blanc. Ton plat favori. À la semaine prochaine, lundi 8h10 environ. Yes! Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Alors, on va parler bouffe, hein, un peu. On vous propose de gagner 230 € en avalant le plus gros hamburger du monde qui culmine à, tenez-vous bien, 13 000 calories pour ce hamburger. Il s'appelle The Over the Flame Burger et se dresse sur les assiettes comme un véritable défi aux affamés et à ceux qui disent avoir un grand appétit. Donc, il contient pas moins de 13 464 calories et est réparti dans un pain de 30 cm de diamètre. Tu sais, une règle, là, ça, c'est 30 cm rond, deux fois. Ça commence à faire du hamburger. Donc, le hamburger compte notamment 40 tranches de fromage. Des petits fromages, du fromage jaune en plastique, là, il y en a 40 tranches. L'apport calorique du sandwich équivaut à peu près aux besoins d'un homme pour une semaine ou à peu près l'équivalent de 26 cheeseburgers et contient 3 kilos de viande de bœuf. Le plat n'est disponible que dans un seul restaurant. Il est situé dans le Norwich et il en coûtera 30 livres, environ 34 €. Pas si cher, pareil, pour la quantité de nourriture. On l'achète, on peut manger une semaine dessus. à quiconque le commande, mais il est gratuit pour les individus, comme dirait Claude Poirier, qui envisagent à en venir à bout en moins de 2 heures. Hein? Pas si pire. Donc, la personne qui parviendra à finir le hamburger jusqu'à la dernière miette remportera également, en plus d'être gratuit, 200 livres sterling. En attendant, il pourrait bien s'agir du hamburger en vente le plus imposant du monde et le plus calorique. À vous maintenant de composer le vôtre et peut-être d'avoir une attaque cardiaque ensuite. Et puis, on continue tout de suite. Ils rendent 9 000 € qu'ils avaient trouvé par terre et on leur donne 5 € de pourboire. Assez cheap, merci. Donc, ils trouvent sur la route une trousse contenant de l'argent liquide et des chèques pour une valeur totale de plus de 9 000 €. Après avoir regardé un chèque pour voir à quel nom il était libellé, Gérard et ses compagnons se rendent au domicile de la personne concernée. Je les cite, « Nous avons décidé de lui rapporter l'argent et pour nous remercier, il nous a donné un beau pourboire de 5 € chacun », explique le quotidien, Gérard au quotidien. Les trois ouvriers se demandent aujourd'hui si l'honnêteté est toujours une qualité, car ils ont eu la désagréable impression que l'artisan se fichait un peu de leur gueule. Malgré tous, les trois amis déclarent avoir leur conscience en paix et peuvent contribuer maintenant à marcher la tête haute. Donc, vous, pensez-vous que ce pourboire était assez suffisant? Et que feriez-vous si une histoire vous arrivait? Eh bien, si je trouve 9 000 $ par terre, il est clair et net que je ne le rends pas au propriétaire. C'est clair, je le garde. M'excuse, mais c'est comme ça. L'honnêteté est là. Hein? Je suis très honnête, je vous le dis, je le garderai. Et puis, on va terminer avec une petite dernière, donc, pour ce midi. Ben, pas une dernière pour le midi, mais avant de poursuivre en musique. Eh bien, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook du Dîner de cons. Et ce qui est très facile, hein, de s'y rendre, cette page Facebook du Dîner de cons, on se rend sur la page cestfou.ca et on clique sur l'onglet, bien sûr, du Dîner de cons. Et puis, vous allez voir ça. Donc, c'est un documentaire qui suit le changement de sexe de l'enfant de Cher. Et quand on dit l'enfant de Cher, c'est est-ce que c'était la petite fille ou le petit garçon? Eh bien, c'est ça qu'on parle. Donc, enfant Chastity Bono était le portrait idéal de la petite petite fille parfaite, blonde avec un grand sourire, ce qui faisait le bonheur de ses parents, chanteuse internationale Cher et Sonny, bien sûr, de le duo célèbre de Sonny and Cher. Et puis, mais le temps a passé et Chastity s'est sentie de plus en plus mal dans son corps avec le sentiment d'être un garçon coincé dans le corps d'une femme. Ainsi, Chastity explique, et je la cite, « Quand j'étais petite, j'allais me coucher en priant pour me réveiller en petit garçon. Au fil des années, la transformation de Chastity en Chaz s'est opérée sous les yeux des médias, bien sûr, et de sa mère Cher, qui n'a pas toujours compris ce qui se passait. Elle explique « Chaz est aujourd'hui un homme à part entière et a été suivi par des caméras lors de son processus de transformation. Cela a donné le documentaire « Becoming Chaz », donc « Devenir Chaz », qui devrait être bientôt diffusé sur la chaîne d'Oprah Winfrey, OWN. » Bien sûr, la chirurgie esthétique, bien sûr, jusqu'aux confidences de Cher, en passant par la relation entre Chaz et sa petite amie. Le documentaire ne cache rien aux téléspectateurs et devrait à coup sûr passionner l'Amérique. Allez découvrir cette bande-annonce de ce documentaire sur la page Facebook du Dîner de cons. Eh bien, je vous parle, je vous invite même à tout de suite vous rendre sur la page Facebook du Dîner de cons. Vous allez voir une vidéo qui est, ma foi, assez saisissant. On vous présente un homme et qui est finalement le robot le plus réaliste du monde. Et puis, je vous le dis, c'est très saisissant, vraiment. Donc, le professeur Henrik Scharf dispose de son double en robot. En effet, son collègue, le professeur japonais Hiroshi Ishiguro de l'Université d'Osaka s'est démarqué dans le monde de la robotique en construisant des robots qui se rapprochaient le plus possible des êtres humains. Et puis en avril dernier, il avait créé son double donc en robot. À présent, c'est son collaborateur danois Henrik Scharf qui rend hommage donc en le dotant d'un clone placé côte à côte. Il est quasiment impossible de savoir lequel des deux n'est pas humain, tant les détails du robot sont impressionnants. Donc, Geminoid DK est le premier androïde de ce type à quitter le Japon. Dans la série des humanoïdes, celui-ci fait partie de ceux qui se rapprochent le plus des êtres humains. Expressions du visage ainsi que mouvements sont programmés par ordinateur. Le robot dispose d'un système de motion capture qui utilise les capteurs placés sur son corps pour mettre en place ses différents mouvements. Et puis, je vous invite à découvrir ce robot clone en vidéo sur la page Facebook du Dîner de cons. On va aller dans un autre registre tout à fait. C'est un enfant âgé de 3 ans et qui est déjà alcoolique. Selon des statistiques diffusées ce lundi par le NHS, le National Health Services, eh bien, un enfant de 3 ans a été soigné pour alcoolisme dans un hôpital de Grande-Bretagne. Le bambin, dont l'identité n'a pas été révélée, fait partie des 13 enfants de moins de 13 ans à avoir été soignés pour cette addiction entre 2008 et 2010. Cette annonce s'ajoute à l'étude européenne réalisée en octobre 2009 qui montre que les Britanniques sont les plus grands consommateurs d'alcool dans l'Union européenne. Ainsi, 43% disent consommer une à deux boissons alcoolisées par jour, 24% évoquent de 3 à 4 boissons et 12% en consomment 5. Ils sont même 6,6% à se situer entre les 7 et 8 boissons par jour, tandis que 6% admettent en boire plus de 10 consommations par jour. Commence à être pas mal, là, 10, c'est l'équivalent d'au moins 2 bouteilles et demie de vin à peu près. Commence à faire un petit peu, là. Peut-être qu'on peut se calmer. On va y aller, on va terminer avec une petite dernière comme ça avant de poursuivre en musique. Eh bien, on vous invite à trouver l'âme sœur qui vous ressemble physiquement. Eh bien, c'est Christina Bloom, donc, qui garde un merveilleux souvenir de son histoire d'amour avec son ex-mari. Si son couple n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui, elle ne cesse de se demander si la ressemblance physique qu'elle partageait avec son compagnon a contribué à leurs amours. Donc, ainsi, elle a créé un site Internet qui vous permet de rencontrer les personnes qui vous ressemblent le plus physiquement. Christina Bloom assure, d'après son expérience et ses observations, que les couples qui vivent le plus heureux sont ceux qui partagent des traits physiques. Une observation confirmée par une étude menée par l'Université de Liverpool en 2006. Ce site internet de Christina Bloom qui s'appelle findyourfacemate.com, et puis je vous invite, je vais aller le mettre sur la page Facebook du Dîner de cons à l'instant, est doté d'un logiciel de reconnaissance faciale qui vous propose de futurs prétendants qui partagent plusieurs caractéristiques physiques avec vous-même. Les critères de personnalité entrent en ligne de compte, mais en second lieu, et vous, pensez-vous vraiment qu'il faut physiquement se ressembler pour s'aimer? C'est une question que je ne répondrai pas, mais que je vous pose à l'instant. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. assemblage requis. Émilie Gauthier, bonjour. Allô. Bonjour, bonjour. Allô, allô. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Madame la communicatrice. Ça va bien, et vous? Très bien. Oui. Préfère ma chronique avec cet accent. Ah ouais? Ah d'accord, vas-y. Aujourd'hui, on parle, François me disait, de l'anneau de demain ou l'anneau de le Seigneur des Anneaux. Non, l'anneau d'hier. L'anneau d'hier, ah, c'est ça. J'étais pas sûr. On l'a vu chercher, là. Ça, je comprenais pas où c'est que vous vouliez en venir. Le petit hamster, là. Ah, le petit hamster. L'anneau d'hier. Ouais, c'est ça. C'est de ça que tu nous parles aujourd'hui. Oui, parce que c'est quand même une région proche de la Mauricie, hein. C'est à combien de temps, à peu près, proche? Ben, le plus près est à 45 minutes, okay. Je dirais. C'est comme pas si pire que ça. Mais pour faire sinon, un petit c'est pas mal tout maximum une heure, là. D'accord. Donc, on va parler de plusieurs endroits à l'anneau d'hier à visiter. On commence avec les sentiers Brandon. Oui, c'est situé à Saint-Gabriel de Brandon. C'est long à dire, mais... Brandon. C'est un petit réseau de sentiers qui traverse un petit boisé. Il forme un genre de labyrinthe. J'ai pas vu la carte des sentiers, mais c'est ce que ça disait. Y a des points de vue qui permettent aussi d'observer la forêt et qui permettent d'observer les montagnes au loin. C'est environ une heure de Trois-Rivières. C'est à Saint-Gabriel-de-Brandon, ouvert tout l'hiver de 10h à 16h30. On doit débourser 3$ par adulte et on peut s'informer davantage au www.panorama-brandon.com. On rappelle évidemment que tous les liens de ta chronique sont sur le blog, n'est-ce pas, oui. François-Olivier? C'est assemblage requis. Point com. Comme. Point com, simple de même. Point assemblage... communication. Ah! Assemblagerequis.com, c'est simple. C'est juste pour ça. Donc, les sentiers du lac Anquière, ensuite. Oui, il y en a beaucoup qui connaissent ça. Je sais qu'il y en a beaucoup à l'université qui sont moniteurs là-bas. Oui, on a passé du temps, pas mal. En tout cas, en Mauricie, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent du temps au lac Anquière. Oh, ouais, tout à fait. Oui, donc il y a beaucoup de personnes qui connaissent ça pour ça, mais qui n'ont jamais été parce que c'est juste des amis qui sont moniteurs là. Mm-hmm. Mais je vais vous en parler. Oui. Oui. Merci pour nous-en. Il y a deux sentiers. Le premier... Tu peux nous en parler, là. Excuse-moi. Deux sentiers. Le premier comporte des pentes légères et conduit à trois points de vue qui donnent sur les montagnes et sur les paysages de la région. Ça, c'est un sentier un peu plus intermédiaire. Et le deuxième sentier est un peu plus court, passe en forêt et amène au fameux lac Anquière. À savoir s'il est vraiment Anquière. C'est un cœur vague, je pense. Hein? C'est pas tout à fait cœur. Ben, ce que j'avais entendu dire, c'est que faut que tu te places vraiment à une place et là, t'as l'impression que c'est un cœur. Ah. À une place, là, sur le site, là. Ah. Et puis là, tu vois que c'est un cœur, mais moi, je l'ai pas vu. Donc, moi non plus. C'est triste. Mais on est déjà allé. Est-ce que t'es déjà allé? Oui, oui, j'ai dû. Oui. Allez-y pour trouver le mystère du cœur. Oui. Ah! Ah, le cœur a ses raisons. Hein. Puis les deux sentiers se rejoignent. Fait que c'est peut-être là aussi que la forme de cœur se fait. Je ne sais pas. Donc, en tout, c'est 10 km de sentier, un débutant, un intermédiaire. C'est ouvert tout l'hiver du lever au coucher du soleil. C'est gratuit. C'est à peu près une heure de l'université, près de Mandeville. Je ne sais pas si on doit le dire autrement, là, mais c'est comme ça, c'est écrit. Mandeville. Sinon, comment est-ce qu'on pourrait dire? Mandeville. Ouais. Bon, Mandeville. Ouais, Mandeville. Et on peut se rendre au www.mandeville.qc.ca pour obtenir plus d'informations. Bon, on se rend maintenant au parc régional Chute à Boule. Oui. Bulle. Mais moi, je dis boule. Ouais, comme un taureau comme en anglais. Comme Rocky et Bullwinkle. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un taureau en anglais. Ouais, ouais. C'est un parc qui offre trois sentiers intermédiaires, donc c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est des sentiers qui vont aller dans la forêt, qui vont grimper jusqu'au sommet de la montagne où est-ce qu'il y a un belvédère. On peut aussi se diriger vers la chute à Bull d'une hauteur de 20 mètres. Ça sent bon aussi, il y a une très ça bonne odeur. Ça sent très bon en plus. Il y a des panneaux d'interprétation qui sont présents tout au long du parcours. Il y a deux passerelles qui permettent de traverser la rivière. Cela, c'est le plus loin pour aujourd'hui. C'est environ une heure et quart, une heure et demie de l'université, près de Saint-Côme. C'est ouvert tout l'hiver du lever au coucher du soleil et c'est gratuit. On peut se rendre au www.matawini.org pour en savoir un peu plus. Matawini, c'est M-A-T-A, hein, comme Mata, puis Winnie, W-I-N-I-E. Ouais. Presque comme Winnie de près. Mais pas du tout en même temps. Non, pas ça. On continue avec le parc Louis. Là, tu sais que c'est Kerb? Louis Kerb? Ou Kerbais? Moi, je dirais Kerbais. Quirbies. Ah, peut-être. Donc, ça Kerbais. Sonne un peu Teletubbies. Ouais, c'est ça. C'est, ouais. Les, c'est quoi les Furbies, les petits animaux, là? Genre le petit gremlin. Hein? Ouais, c'est ça, là. Pas joli. C'est ceux qui répètent ce que tu dis, je pense. Ouais. Ouais. Il y a une application iPhone avec ces affaires-là. Là, je suis allé d'entendre cette affaire-là, par exemple. J'ai une collègue ici au bureau, François, ouais, de mon lapin, ouais. qui a le petit chat sur son iPhone ou sur son téléphone. Mm-hmm. Puis là, tu lui dis quelque chose, puis là, ça la répète. Ah, c'est gossant. Ah, c'est gossant. Ça répète avec une petite voix? Oui, avec une petite voix. Comme ça? Comme ça. OK. OK. Bon, donc, Louis Kerbès. Oui, hey, c'est de ça qu'on parlait. Hein? Ouais, le lien avait aucun rapport. Non. C'est un parc naturel récréatif qui offre deux sentiers. Un des deux va longer la berge de la rivière L'Assomption. Une partie du sentier va passer à travers un boisé. Le sentier est éclairé le soir. C'est 4,5 km de sentier pour les racketteurs et les marcheurs. Le hors-piste est accessible sur tout le terrain pour les amateurs de raquettes et on a 5,5 km de sentier pour les marcheurs. C'est ouvert tout l'hiver, c'est gratuit. Environ une heure de l'université près de Joliette. On peut appeler au 450-753-8050 pour avoir plus d'informations. Il n'y a pas de site web. 450-753-8050, mais l'adresse est où, François? Sur rassemblageurequipe.com. Hein? C'est donc bien efficace, cette affaire-là. On continue avec le parc régional des chutes du Calvaire. J'aime pas ça dire ça. Mais moi, j'aime ça. Mais tu l'as pas dit, fait que t'es correct. Ah. Je le dirai pas. Mais tu l'as dit. Oh ben, non, tu as droit. Ça le dit une fois. Oh. OK, ben quand tu voudras le dire, fais-moi signe, je vais le dire. OK. Juste le mot. OK. C'est deux sentiers qui composent ce parc qui vont, encore une fois, sillonner la forêt. On aime ça, la nature, puis aller dans la forêt. On aime ça, sillonner la forêt. Ouais. Le premier, le chemin des chutes, mène à trois belvédères qui donnent des points d'observation sur la chute du... Calvaire. Merci. Le deuxième, c'est le chemin des cascades. Passe près de plusieurs cascades qui sont observables à partir de trois autres belvédères. Donc, on a six belvédères en tout dans le parc. On a six belvédères à Calvaire. C'est ça. Bon. Là, c'était pas approprié à ce moment-ci. Ah, c'était bizarre. Moins que... C'est un peu bizarre. C'est ça. C'est vraiment un tout petit site. Là. C'est environ 2-3 km de sentier. C'est ouvert tout l'hiver du lever au coucher du soleil. C'est gratuit. C'est encore situé à Mandeville. Fait que je me dis, c'est deux petits sentiers qu'on pourrait peut-être combiner encore dans la même journée. J'aime ça, faire plus qu'une place dans la même journée. Comme ça fait changement. On peut se rendre, nous, encore, mandeville.qc.ca pour obtenir plus d'informations. C'est ouvert tout l'hiver, Calvaire? C'est ouvert tout l'hiver. Bon, là, je pouvais plus dire Calvaire dans la prochaine sortie. Fait que je voulais sortir ça de mon système. Parfait, c'est fini. T'as plus le droit de le dire. OK. Pour l'année, la session. Cet été, je vais pouvoir commencer. Session. Okay. Cet été, il peut. Ça va? Cet été, si j'en parle, je le droit. C'est bon. Maintenant, notre dernière place à Lanaudière, c'est le sentier d'interprétation de la nature de la commune de Berthier. Ça pourrait être un bon sac, ça aussi. Et Berthier. Et de la commune de Berthier, ben on dirait plus un rigodon qu'autre chose. Non. Soignez votre compagnie. Soignez votre compagnie. C'était pas vrai. Ça, c'était plus 7 carrés, ça. Ouais. C'est fait hier, souligner la compagnie. Colin, souligne la macaille, ça va être bon. La boîte à bois. Hein? C'est génial, ça, ce matin. La boîte à Berthier. Aidez-moi, quelqu'un. Ah oui, sortez-la de ce calvaire. Oh, ah, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Qu'est-ce qui va m'arriver? Un miroir pété vaut 7 ans de malheur? Non, la compagnie va te souligner. Je vais me faire souligner par la compagnie. Et maudit. Bon, parlons déjà. Je te parlerai non. plus. Émilie... Moi, je parle juste à l'info à partir de maintenant. OK. Ah ouais, continue. Oui, comme l'autre, là, qu'est-ce qu'il disait, là? Je me souviens plus de son nom. C'est pas. Ouais, la commune de Berthier, là. C'est un réseau de sentiers qui est situé dans les îles de Berthier, entre un marais typique du lac Saint-Pierre. Dans les îles, c'est des îles, ça? Ouais, il y a une petite partie que c'est des îles. Ah, oh, ouais? Ouais, ouais. Ah, je ne savais pas. Ben, moi non plus. Je l'ai appris pas longtemps. Entre le marais du lac Saint-Pierre et la commune de Berthier. En se promenant sur le sentier, on va passer par plusieurs types d'écosystèmes qui sont enfouis sous la neige, mais il y en a beaucoup qui sont observables malgré ça. Puis sinon, avec la fonte des neiges qu'il y a depuis quelques temps, je pense que ça va être quand même observable. Le site se trouve généralement dans une érablière, donc je me souviens plus ce que je voulais dire avec ça. C'est le fun. Il y a des tours d'observation et des nichoirs qui permettent d'apercevoir des oiseaux et des animaux. Donc, en tout, c'est 8,5 km de sentier pour les amateurs de raquettes, en plus du hors-piste qui est accessible sur tout le territoire. Et il y a 3,5 km de sentier pour les marcheurs. C'est situé à environ 45 minutes de Trois-Rivières, près de Berthierville. C'est ouvert tout l'hiver du lever au coucher du soleil. C'est gratuit. Et on peut se rendre au www.assemblagerequis.com pour plus de détails. Bon. Ben, sinon, c'est le skirby.org. Ouais, c'est ça, c'est le centre d'interprétation de la nature de la communauté. C'est même pas ça les lettres, hein? Je regarde ça, c'est même pas ça. C'est S-C-I-R-B-I. OK. Ça a beaucoup de sens, tout ça. Ah, c'est la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et de ses îles. Le SCIRBI. Merci. Truc. Bref, assemblagerequis.com, François avait raison dès le début, étrangement. Ça, c'est cool. Moins compliqué. C'est ça, ouais. Beaucoup moins compliqué. Voilà donc pour les endroits où sortir à Lanaudière, environ à une heure quelques d'ici. Pas trop pire. 45 minutes, une heure et quart. 45 minutes, une heure et quart. Bon, c'est comme deux, trois passe-partout, là, peut-être quatre. Si tu calcules ça comme ça, ouais, t'as raison. À peu près. Ouais. Il n'y a pas d'émission d'une heure dans le temps qu'on écoutait les enfants. Il n'y a pas fait de zéro spécial, non? De spécial, ben non. Non, je n'ai aucune idée. Idée. Parce que sinon, tu sais, les émissions pour enfants d'une heure, il n'y en a pas bien moins. Fait que sinon, il faut que tu passes genre à un ciné-cadeau. Puis un ciné-cadeau, c'est long. Ça peut être une heure et demie, deux heures. Ouais. Vous autres, vous êtes trop vieux pour Bulldog Bazaar, hein? Bulldog Bazaar, c'est quoi, vrai, non, j'ai fait ça. De toute façon, c'était long, Bulldog Bazaar. C'était comme tout le matin avec plein de petites émissions. C'était des enrobages autour d'émissions, ouais, ouais. C'est ça. Mais voilà. Bref, on n'a aucune façon de calculer le temps, là. Une heure et quart, ça veut rien dire. Bref. Merci, Mie. Ah oh, oui, quoi? C'est les fruits là, qui changeaient en animaux, là. Les fruits qui changeaient en animaux? Tu sais, c'était comme des fruits, là, qui bougeaient. Ouais, c'est un petit peu débile. Éteins son micro. Ça s'appelait soap opéra. Oui, mais ça, c'était pas soup. Une heure. Non, c'était comme tu mets même deux passe-partout puis minutes, deux soap opéra. C'était à peu près 5 minutes. OK, ouais, mais en tout cas, je pense que le temps était long quand tu regardais soap opéra. Ça avait l'air plus long que c'était vraiment, je pense. Peut-être. C'était pas écœur, hein? C'est pas, ben, c'était pas si pire. C'était mieux que. Moi, je trouvais drôle la petite musique en arrière. Soap opéra. Poum, poum, poum, poum, poum. Moi, c'est Bumbo que j'aimais. Bumbo, ben oui. Bumbo, Bumbo. Merci, ouais, Bill. C'est fragile, Gilles. Puis il y avait, c'était quoi? Art Attack aussi. Mais il n'y a pas vraiment de chanson, je pense. Ah, ça, c'était le fun. Ouais, souvenir, hein. Pourquoi on parle de ça dans une chronique de plein air? Parce que cet assemblage requis, c'est en morceaux. Des morceaux rassemblés ensemble qui veulent pas dire. On fait une chronique jeunesse. Et voilà. On l'avait juste pas annoncé. Puis elle a pas de nom. Puis elle reviendra jamais. Probablement pas. Merci encore une fois, Émilie, pour la 12e fois, je pense, aujourd'hui. C'est tout! C'est tout! Ça fait c'est tout! C'est tout! Calvaire, Berthier! Hey, oh! Oh, excuse-moi. Berthier! T'as pas le droit de dire ça, mais si, tu le sais, en plus. Berthier, t'as le droit de dire Berthier, mais t'as redit l'autre. OK. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Une femme sur deux refuse de faire l'amour plutôt en raison de son physique. Eh bien oui, c'est triste. Fini l'excuse de la migraine. On l'a vu tantôt, nos chiro nous l'ont dit. La migraine, la défaite est pas bonne. Mal de tête, peut-être, mais pas migraine. Selon une étude britannique réalisée sur 4000 personnes, 52 % des femmes refusent de faire l'amour avec leur partenaire car elles ne se sentent pas bien dans leur corps. Parmi elles, 29 % se sentent grosses, 23 se donc mettent en avant leur poignée d'amour pour refuser une partie de jambes en l'air. De leur côté, 8 % et 11 % des hommes utilisent respectivement ces excuses. Donc 8 % disent qu'ils sont trop gros, 11 que c'est les poignées d'amour. La fatigue est de loin la meilleure excuse. Hein? Elle remporte la palme de l'excuse la plus utilisée pour éviter les galipettes. Elle est en effet utilisée par 72 % des femmes, dépassant ainsi celle du poids et du stress invoqué par 32 % d'entre elles. 13 % des femmes interrogées déclarent ne faire l'amour que dans le noir complet pour éviter, bien sûr, que leur partenaire ne les voit nus. En outre, une femme sur 10 donc refuse certaines positions sexuelles en raison de leur complexe. Et selon Catherine Hood, sexologue à l'Université d'Oxford et citée dans le Daily Mail, les résultats montrent à quel point la quête de la perfection physique des femmes a des conséquences sur leur vie sexuelle. Rappelons toutefois que l'étude a été réalisée par Fembido, donc une pilule censée booster la libido féminine. Donc peut-être que les résultats ont été un petit peu biaisés, mais quand même, hein, assez intéressant. Et peut-être vous intéresser sur Fembido, F-E-M-B-I-D-O, qui vous donnera peut-être un peu plus l'envie de, hein? Pourquoi pas? On va aller avec une cascade bien réelle. Un homme a réussi à reproduire la cascade de l'artiste MC Escher. Je ne sais pas si vous visualisez l'œuvre dont je parle. C'est une cascade d'eau qui semble tomber dans elle-même pour se remplir. C'est vraiment un dessin de l'impossible. Hein? C'est assez impossible de créer la cascade. Eh bien, là, on se pose justement la question. Car récemment, un homme s'appelant MC, pas MC Escher, mais MC Walls, a réussi à reproduire la cascade dessiné par MC Escher en jouant sur les perspectives. L'artiste, en effet, parvenu à dessiner une cascade incroyable d'où l'eau partait du bas avant de remonter dans les canaux et se verser dans une cascade dans elle-même, sur un moulin. Donc, sur une vidéo sur YouTube, on le voit verser de l'eau en bas de la structure qui remonte petit à petit en haut de l'édifice. Seulement, les internautes ont rapidement percé le mystère de cette expérience. Il s'agit, en effet, d'un jeu adroit avec les perspectives. Les internautes ont même constaté une coupure sur la vidéo qui montre, selon eux, qu'il y a également eu un trucage vidéo pour arriver à ce résultat. J'ai même pas, en tout cas, comme peut-être mettre l'eau à l'envers, hein, ça se pourrait. Toutefois, MC Walls n'a pas cherché à tromper son monde puisqu'il a expliqué dans le descriptif de la vidéo vouloir simplement reproduire la cascade d'Escher dans la vie réelle. Il y est donc parvenu puisqu'il a retranscrit l'illusion d'optique qui figurait sur le dessin de MC Escher dans une véritable structure. Et puis, je vous invite à voir cette vidéo sur la page Facebook du Dîner de cons dans quelques instants parce que le lien n'est pas encore placé, mais ça ne devrait tarder. Et puis, on va, tant qu'à vous dire, de vous rendre sur la page Facebook du Dîner de cons. Et peut-être que vous y êtes déjà. Eh bien, il y a un film qui est déjà là, que j'ai mis ce matin. C'est un petit film vraiment amusant. Film qui résume la puberté en une minute. Donc, on doit ce joli film très graphique intitulé « One Minute Puberty » au motion designer allemand Alexander Gellner. Ce dernier s'est amusé à relever tous les changements et les attitudes souvent déconcertantes que la plupart d'entre nous traversons durant l'âge de la puberté. Des changements physiques aux premiers émois en passant par les comportements inhérents à chaque adolescent, rien n'est épargné. Donc, pour rendre cela encore plus joyeux, l'artiste a mis en scène grâce à un style faisant appel à une réalisation fluide et un dessin au très léger, un jeune garçon faisant l'apprentissage de la vie et de ses difficultés pour parvenir jusqu'à l'âge adulte. Drôle et très bien vu, cette courte vidéo d'une minute permettra à beaucoup de se reconnaître facilement dans ce personnage si familier. Donc, allez voir ça, ça vaut la peine. Très, très cute comme petite vidéo. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis. C'est un fait qu'elle a collé des choses véridiques, véritables et vérifiables. Aujourd'hui, on a plein de choses à s'enseigner, des petits faits rapides. Le jeu que ce soit vraiment okay. Rapide. On n'a pas de temps cette semaine de niaiser. Non, c'est ça, on n'a pas eu cette semaine. Non, c'est ça. Non, justement, pas de collègues cette semaine à cause des candidats de la GEQTR. Bref, savais-tu que la plupart des papillons ont 4 yeux, mais que les chenilles, évidemment, les papillons, c'était des chenilles avant, en ont 12. 12 yeux. Ah, je le savais pas. Eh bien, en Grande-Bretagne, il y a environ 60 espèces de papillons qui sont natifs de là, de la Grande-Bretagne, alors que le Costa Rica en a 560. Impressionnant. Pourquoi des faits sur les papillons? J'en ai aucune idée. Le conducteur, le chauffeur moyen, masculin, passe 276 000, en kilomètres, je pourrais pas dire exactement, mais 276 000 par année perdu. Ah, impressionnant. Chauffeur aussi. Masculin, ben oui, quand même. Charleston, en Caroline du Sud, est la ville américaine qui a le plus de résidents attirants. Attirant des belles personnes. Ah. Pourquoi? Qui a fait une étude là-dessus? Ouais, c'est ça. C'est pas très, très important. Environ 6000 morts en 2008 ont été causées par des conducteurs qui utilisaient un téléphone cellulaire. Beaucoup. 6000 en 2008. C'est beaucoup. Eh bien. Le tremblement de terre au Japon, à 8,9 sur l'échelle de Richter, c'était le 5e plus grand ou plus gros tremblement de terre depuis 1900. Cinquième depuis 1900. Le cinquième. Oui, oui. 16% des hommes qui ont accès à Internet au travail ont admis d'être allés voir de la pornographie au travail. Et de ceux-là, de ces 16%-là... 16%? Oui, seulement 6% ont dit qu'ils l'ont fait intentionnellement. Donc les 10%... Oh, ouais, ben, ouais. Hey, là, quelqu'un est tombé là-dessus par hasard. Kiki, c'est la mauvaise affaire. C'est un pop-up, pas ma faute. Mon Dieu. Tu connais le mot chauvin? Ouais, on l'utilise, ben on l'utilise pas, en fait, ouais. Ce mot-là, on l'entend souvent, chauvin, chauvinisme, etc. C'est du patriotisme exagéré, OK? Et ça vient du soldat français légendaire Nicolas Chauvin. Ah! Je savais pas. J'en apprends des choses. Selon une recherche de Pew Research, 96% des Américains entre 18 et 29 ans ont... Devine qu'est-ce qu'ils ont à 96%. Ben, je sais pas. Un téléphone cellulaire. OK. 96%, c'est possible. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Barbie a eu 52 ans récemment. On parle du 10 mars. Ça paraît pas. Ça paraît pas du tout, du tout. Elle a travaillé en tant que Rocket, c'est les danseuses. Zoologue. Elle fait plein d'affaires, elle. Rappeur. Barbie faisait du rap. Barbie, rappeur. Wow! Okay, ouais. En tout cas, 52 ans, elle fait beaucoup de travaux. environ, on dit que plus de 6 milliards de maisons vertes de Monopoly et 2,25 milliards d'hôtels rouges ont été fabriqués depuis 1935. Ça fonctionne bien, hein? Ça va très, très bien pour eux. Plus de contenu est envoyé sur YouTube ou téléversé, uploadé sur YouTube en 60 jours que les trois réseaux de télé américains majeurs en 60 ans. CBS, NBC, ABC. En 60 ans, comparé à 60 jours pour YouTube. Et tu te rappelles, après les invasions en Irak, le terme « shock and awe », c'est là, genre shock and awe, c'était l'opération là, qui super et terreur. Okay. Je sais pas qu'il avait traduit en français. Bref, Sony a demandé un trademark, une marque de commerce pour le terme shock and awe pour faire des jeux vidéo après l'invasion en Irak par les États-Unis. Ils ont abandonné cette marque de commerce-là après un mois. OK. Ils voulaient faire des jeux vidéo avec l'expression stupeur et terreur et quelque chose qui avait rapport avec l'Irak. C'était peut-être un petit peu déplacé de faire des jeux vidéo avec ça. Donc, ils l'ont lâché. Bref, voilà pour la collecte, c'est un fait. Merci Mathieu. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Les Anglais, vous êtes sauvés. Vous pouvez maintenant manger sans crainte des glaces, au lait maternel, hein? De quoi je parle? Eh bien, pour ceux qui auraient raté donc cet épisode, retour fin février dans le quartier londonien branché de Covent Garden, eh bien, le glacier de Ice Creamist décide de vendre une glace au lait maternel. Elle se présente dans un verre à pied que l'on asperge de lait maternel contenu dans un petit biberon. La matière première est collectée auprès d'une quinzaine de mamans volontaires. Malgré le prix de la Baby Gaga, qu'elle s'appelle, environ 16 euros, eh bien, le succès est fulgurant et la boutique est rapidement en rupture de stock. La polémique monte aussi vite que le succès de cette glace. Des gens trouvent ça dégoûtant, dérangeant, drôle, sain. Chacun a son avis, sain, c'est drôle, hein? Chacun a son avis sur la question et les autorités sanitaires mettent leur nez dans les affaires après avoir reçu des plaintes. La Baby Gaga est donc interdite à la vente pendant quelques jours. Le produit est de nouveau autorisé après plusieurs tests d'hygiène notamment. Et se sont bien sûr révélés négatifs. Ils n'ont pas trouvé de déchets nucléaires ou de dangers biologiques, s'amuse à dire Matt O'Connor, propriétaire de l'Ice Creamist, et cité par le journal anglais This is London. Je le cite, ils étaient venus ici comme des inspecteurs en Irak à la recherche d'armes de destruction massive. Hein? On sait que ça a donné beaucoup. Hein? On en a trouvé beaucoup des armes de destruction massive en Irak. La menace de Lady Gaga. Eh bien, si l'avenir de la glace au maternel ne semble plus menacé, reste une ombre au tableau. La chanteuse Lady Gaga envisage en effet de porter plainte contre le nom de ses glaces qui ne sont pas du tout à son goût. C'est risible, dit-elle, quand on pense à tout ce que Lady Gaga a emprunté à la culture populaire. Ah non, c'est pas elle qui le dit. C'est lui qui le dit. Pour créer son style et sa musique. C'est encore Matt O'Connor qui commente ça. Il semble que Lady Gaga ait oublié que depuis la nuit des temps, les premières syllabes discernables prononcées par les bébés sont Gaga, d'où le nom choisi par le Ice Creamist et qui s'appelle Baby Gaga. Et surtout que c'est elle-même son nom, elle l'a volé. Hein? Ça vient de la pièce de The Queen. Hein? Mais en tout cas, on peut pas acheter le mot Gaga. Elle est vraiment conne, là, cette fois-ci. D'habitude, je la trouve assez originale, mais là, je trouve qu'elle se met le pied dans la bouche et pas à peu près jusqu'au genou, disons. Hey, alors, pom, pom, pom, pom, on y va avec comme ça. Oui, celle-là m'avait fait assez rire ce matin. C'est « Il mange au McDonald's pendant 30 jours avant de courir un marathon. »

d'aborder la vie d'une autre manière, de façon à ce que ça soit moins stressant. Ça, c'est une très bonne manière d'éviter les maux de tête. Restons zen. Ouais, restons zen, effectivement. Essayons, au moins. Et puis, y a d'autres trucs qui vont pouvoir causer les maux de tête. Admettons, quand on a la migraine, on va pouvoir entendre que les personnes migraineuses, la lumière, ouais, ça les dérange. Le bruit excessif, ça les dérange. Donc, il y a des personnes qui vont développer des maux de tête juste à avoir ces facteurs-là près d'eux. Donc, encore la manière la plus simple et la plus efficace d'éviter ces maux de tête. Lâche ta job. Ouais, mais non, ok, non. Non, mais si tu travailles dans une usine et il y a plein de bruit, ça te donne des maux de tête, ben, envisage soit de t'acheter des maux du bon plug ou ben non, de changer de job. C'est ça. Mais c'est ça, donc il y a des affaires comme ça qu'on peut faire qui sont vraiment très, très simples, qui peuvent enlever les maux de tête. Donc, on a parlé des traitements chiropratiques. Est-ce qu'il nous reste du temps? Est-ce qu'on, ben, il faudrait terminer bientôt. Oui, c'est on va terminer bientôt. On a donc, le mot d'ordre, en tout cas, ça va être la prévention. Et puis, c'est ça. Faites attention à ce que vous mangez. Je vous encourage fortement à aller vous informer, soit auprès d'un chiropraticien ou soit sur Internet. On trouve de la très belle information. Les postures, c'est très important. L'alimentation, checkez ça. Vos heures de sommeil, comme on vient d'en parler. Une petite attention aux médicaments, si on peut comprendre, mais si ça dépasse les 4-5 fois semaine, allez consulter un professionnel de la santé, ça vaut la peine. Donc c'est ça, on souhaite une bonne journée à tous les auditeurs et puis on espère que vous avez aimé la chronique. Ben oui, tout à fait, nous on l'adore. Certainement, oui. Chaque semaine. Donc Louis-Charles, c'est quoi ton nom de famille, excuse-moi? Lévesque, Louis-Charles Lévesque, protégé de Chenille des Groseilliers. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Merci à vous deux. Oui, merci. À vous. Et on vous retrouve dans un ordre quelconque avec d'autres gens, d'autres visages. Eh bien, on aime ça comme ça, on mêle tout, nous autres. C'est comme un charivari, tu sais, dans le temps. C'est ça. Donc l'ajustement. Puis rappelle-nous de jamais jouer au Scrabble contre toi. Non, il faut vraiment pas. OK, bonne journée. Bonne journée. Merci, bye. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Oh! Problème de logement, optez pour l'œuf en bambou. Hein? Vous avez un problème de logement? Optez pour cet œuf en bambou. À 24 ans, Dai Afei en a eu marre de jongler avec le monde de l'immobilier à Pékin, dont les prix dépasseraient tout entendement. Ainsi, il a construit pour 700 € un œuf géant en bambou et en a fait son domicile. Le jeune homme explique au quotidien China Hush les raisons qui l'ont poussé à créer ce projet. Je le cite, « Mon père travaille dans le bâtiment et ma mère est femme de ménage. Ils sont âgés et ne sont plus aussi en forme qu'avant. J'ai essayé plusieurs fois de les convaincre de rentrer au pays pour cultiver quelques hectares et vivre tranquillement, mais ils me répondent qu'ils veulent faire des économies pour me permettre de m'acheter une maison et me marier. » Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'avec leur salaire, il faudra 200 ou 300 ans pour acheter une maison à Pékin. Moi, je voulais avoir mon propre appartement, mon propre logement, mais pas nécessairement très grand, tant qu'il me protège du soleil et de la pluie. Hein? C'est beau, c'est un beau geste. Le jeune homme, également jeune architecte, a alors construit l'œuf en bambou et a installé dans une cour à Pékin. L'installation a été reconnue légale au bout de 2 mois et a inspiré l'agence d'architecture pour laquelle Dai Afei travaille en tant que stagiaire. Standard Architecture voit dans ce projet d'œuf maison la possibilité d'offrir à ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'acheter un logement. Une petite maison originale et bon marché. L'œuf en bambou fait 6 mètres carrés et ne possède pas de cuisine. Montée sur roulette, il est facile à transporter et est doté d'un panneau photovoltaïque pour l'énergie. Allez voir l'image sur la page Facebook du Dîner de con, ça vaut la peine. Tant qu'être sur la page Facebook du Dîner de con, il y a une campagne de publicitaire très sexy pour du lait en Russie et je vous invite à aller voir ces charmantes demoiselles. Pour vendre leur lait, les producteurs russes sont prêts à tout, même à mettre leurs produits en avant avec des jeunes femmes sexy prenant des positions assez tendancieuses. À l'occasion d'une campagne de promotion, ces derniers ont en effet fait appel à la photographe célèbre Helena Nikiforov, pour créer des publicités à la fois choc et glamour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'artiste n'a pas hésité à utiliser tous les clichés existants autour du lait. Clochettes, tasses de lait, taches de vache reproduites sur le modèle, tout y passe. Le résultat est une campagne publicitaire qui ne passe pas inaperçue. Même le nom de la série des clichés s'appelle « Milk facial », ne laisse pas indifférent. Donc, on voit des dames très charmantes, pas très vieilles non plus, avec dans des positions assez suggestives qui reçoit des giclées de lait ou qui se versent du lait sur eux-mêmes. Donc, c'est très, très joli. Mais bon, on le sait pas. Hein? Ben, pas que c'est pas joli, mais bon, ça peut-être choquer certaines personnes. On le sait, les gens sont facilement choquables. Non, hein? Ça se dit pas. Mais bon, entre autres, c'est à peu près ça. Allez voir les images pour vous faire une idée. Et puis, on va y aller avec une petite dernière. On apprend que pour être généreux, c'est être riche pour Bill Gates. C'est une belle, hein? C'est beau, ça? C'est bien? Eh bien, c'est que Bill Gates a perdu sa place d'homme le plus riche du monde. Ben oui. Et pourquoi? Eh bien, c'est bien sûr le classement de Forbes, hein, de l'année dernière. C'est que pour Bill Gates, la place là du plus riche n'a pas d'importance. S'il a dégradé donc à la deuxième place derrière Carlos Slim, c'est pour la bonne cause puisqu'il a injecté 28 milliards de dollars dans sa fondation Bill Gates qu'il gère avec sa femme depuis 2008. Donc lui-même s'est départi de son argent pour la fondation Bill Gates. David Lincoln, interrogé par le Reuters, explique que la fortune du magnat de l'informatique s'élèverait à quelque 49 milliards de dollars. Derrière Carlos Slim, qui aurait 60 milliards de dollars, toujours de réserve. Selon Lincoln, Gates aurait eu une marge confortable devant Slim s'il n'avait pas découvert la philanthropie, auquel cas il serait riche de 88 milliards de dollars. Donc, beaucoup plus que l'autre, que Carlos Slim. Moi, je te dis, quand on s'obstine sur qui est le plus riche, 60 milliards, 40 milliards, 80 milliards. Un coup, tu dépasses 1 milliard, je pense quand même pas pire. En tout cas, une autre initiative de Gates, de Giving a Pledge, pousse des milliardaires à donner la moitié de leur fortune de leur vivant. 49 fortunes s'y ont déjà inscrites, parmi lesquelles de Warren Buffett, homme d'affaires américain, et Mark Zuckerberg, donc cofondateur de Facebook. On apprend quelque chose qu'on savait déjà seulement par logique, mais bon, on en parle pareil, c'est une étude qui vient de sortir. On comprend un peu ce que les photos révèlent. Donc, sur Facebook, les photos postées surtout par les femmes. C'est l'Université de Buffalo aux États-Unis qui s'est penchée récemment sur la signification des photos publiées par les utilisateurs de Facebook et sur le comportement de chacun sur le site de réseau social. On étudie les comportements. Pour cela, 311 participants ont été réquisitionnés pour une étude avec une moyenne d'âge de 23 ans. Donc, tous des jeunes adultes. Après les premières conclusions de l'université, les femmes qui publieraient beaucoup de photographies sur leur profil Facebook accorderaient beaucoup d'importance à leur image et à leur apparence. On n'apprend pas beaucoup là-dedans. On le sait un peu déjà, hein? Quelqu'un qui met plein de photos, c'est qu'il veut se montrer. Pour les femmes, l'utilisation de Facebook est avant tout un moyen pour que les autres fassent attention à elles. Ainsi, l'étude rapporte, elles utilisent la publication de photos sur Facebook comme une forme de publicité. Les femmes se vendent un peu sur Internet. Pour parvenir à cette conclusion, et puis je dis les femmes se vendent, hein, mais il y a beaucoup d'hommes acheteurs. Hein, les hommes, ils cherchent. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié les profils de chaque participant, leur nombre de photos publiées, ainsi que le nombre d'amis que chacun compte sur le réseau social. Chaque participant a dû également remplir un questionnaire concernant sa propre estime de soi et son regard sur soi-même. Quand même, une étude intéressante, mais bon, si on a un peu de logique... On n'apprend pas grand-chose. Hein? C'est comme ça. On parle maintenant de la compagnie Axe qui fait apparaître des anges en plein cœur de Londres. Eh bien, on doit cette campagne de publicité interactive à la marque de déodorant Axe qui a commandé à l'agence de communication Buzzman cette campagne de street marketing un peu particulière visant à se faire rencontrer des anges en réalité augmentée avec les passants d'une station de métro londonienne. Organisée à la station de métro Victoria Station le 5 mars dernier. Cet événement a nécessité l'installation d'un dispositif permettant aux voyageurs de se voir via un écran géant aux côtés d'un ange féminin en réalité augmentée. Même si les interactions entre les gens et les anges sexy étaient un peu limitées, cette campagne de publicité originale pour Lynx, le nom de Axe en Grande-Bretagne, a aussi réussi à créer un buzz original pour la sortie du parfum Excite. Donc, je vous invite à découvrir cette campagne de publicité sur la page Facebook du Dîner de cons dans quelques minutes. Et puis, on va en faire une dernière avant de se sauver en musique avec Caravan Palace. Eh bien, après Miss France 2011,

Ça valait la peine de payer pour ça, je trouve. Ouais, c'est ça. Vraiment. Hein? C'était jus de tomate, mal à jube. T'arrêtes-tu de faire des signaux incompréhensibles? Comme au baseball, le catcher, là. C'est ça. C'est pour me dire où attraper la balle. Ouais, c'est ça. Ça va être une courbe ou une spirale ou comment t'appelles ça? Un labyrinthe. Ça me faisait penser un peu à, tu sais, des fois quand ils se lancent dans des pièces comme ton plat favori oui. ou la maladie, en tout cas. Oui, les meilleures pièces, selon moi, de Malajube, ouais. je trouve. Ouais. Des pièces de cirque. Oui, tout à fait. J'aime la comparaison. Bref, l'album La Caverne, tu disais, sort en avril. Oui, 19 avril. 19 avril, yes. C'est à noter pour tout le monde dans leur agenda fictif parce que bien les gens n'ont plus d'agenda en tant que tel. C'est triste, c'est mais le papier meurt. Le papier meurt. Oui. On va finir là-dessus. Ah, sur cette belle morale le triste. Le papier meurt. Mm-hmm. Merci Maxime. Ça fait plaisir. Merci, à la semaine prochaine. On se retrouve mercredi prochain à 8h pour Télécharge quoi? Ouais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Oh! Scott, avec Monsieur Rémi. Dans certaines religions, on croit que le sommeil est une préparation à la mort. En tout cas, on croit que les bébés rêvent leur propre entrée dans l'existence physique. Les rêves nous donnent aussi accès à une autre dimension de l'être, la spiritualité. Les rêves peuvent alors devenir une expérience à portée pédagogique, nous offrant une perspective plus large que celle de l'existence mondaine ordinaire. Une définition de la spiritualité, veut que ce soit la conscience de l'existence d'autres dimensions en plus des domaines purement physiques et tangibles. Danny, aujourd'hui au dîner de cons, C'est pesant, là! Oh, c'est très lourd, c'est très lourd. Écoute, j'ai mal aux épaules tellement ça m'est lourd sur le corps. Mais j'ai eu un bon sommeil cette nuit, j'ai rêvé beaucoup. Et pour ce faire, j'ai voulu ramener mon fameux grand dictionnaire des rêves et leurs interprétations. Tu n'étais pas là, je crois, la dernière fois que j'ai utilisé, c'était Mathieu qui te remplaçait. Alors j'ai voulu en profiter aujourd'hui pour te faire plaisir et oui. Je voulais savoir si tu avais un rêve que tu faisais souvent ou un rêve que tu as fait récemment, que tu voulais ensemble qu'on interprète et qu'on essaie de démystifier tout ça, comme à mon habitude. Oui, oui, tout à fait, de façon tout à fait scientifique. Ben il y en a un qui me vient là à tout de suite, le premier qui me vient. Eh bien, c'est un truc qui m'est arrivé souvent. Je rêve souvent, c'est la fin du monde, c'est l'urgence. D'accord. C'est pas très cool. Je me rappelle même dans un rêve d'avoir rencontré mon grand-père qui est mort depuis longtemps. On s'est serré dans nos bras. Et puis, comme si tout un peu dépendait de moi. C'était assez intense, ce rêve. Et je m'ouvre, là, comme ça. Ben, c'est tout à fait. Tu vois, ici, j'ai la famille. Okay. La famille est la première image de sécurité qui s'offre à un enfant, souvent à cause de circonstances hors de son contrôle. Cette image se déforme et les rêves essaieront de la corriger ou d'en confirmer l'altération. Ainsi, nous pouvons rêver d'une dispute avec un membre de la famille, mais l'interprétation dépendra tant des circonstances du rêve que de notre rapport quotidien avec cette personne. Toute relation future subisse l'influence de celle que nous développons d'abord avec la famille. Bon, tu vois, souvent, le dictionnaire, la façon que c'est construit, c'est qu'en fait, on y va par thème, idée clé. Et quand quelqu'un fait un rêve, souvent, pour l'interprétation, on va être porté à lui demander, en réalité, de nous aider ou de s'aider lui-même à interpréter son rêve en d'abord se demandant, Danny, qu'est-ce que tu as ressenti dans ce rêve-là? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui est ressorti le plus? Comment tu as réagi aux situations? Comme je te dis, ce que j'ai réagi, c'est que j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Tout le monde, un peu comme dans un film catastrophe, là, tout le monde capote un peu. Okay. Donc, ma réaction, c'est un peu une panique aussi, mais moi, je sais pas ce qui se passe dans le rêve. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mettons. Là. Donc, t'es juste un espèce de... Je suis un spectateur, mais en même temps, on dirait que tout dépend de moi. Ah, donc, tu sens le sens de, tous clair, les éléments. Ça, c'est clair. Et c'est souvent très intéressant parce que souvent, on va voir une voyante, un médium, une liseuse de bonne aventure ou peu importe. Et les plus sérieuses, réellement, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont d'abord te demander à toi qu'est-ce que tu en penses. Donc, si, par exemple, je sors une carte de tarot, je vais te montrer la carte de tarot et te dire comment tu sens cette carte-là par rapport à ce que tu vis présentement, par rapport à tes questionnements. Et souvent, l'interprétation va être la meilleure si la personne elle-même interprète ses propres choses à travers ce qu'elle ressent. Donc, si, exemple, je te montre une toile de Dali, ben, tu vas ressentir quelque chose. C'est pareil avec une carte de tarot. Oh, oui. Mon exemple n'est pas très utile, non, mais au moins, ça fait visualiser... Ben, ça donne aussi une direction à la diseuse de Bonne Aventure. Oui, tout à fait. Puis en même temps, souvent, ça sert à ça. Donc, on se demande toujours si c'est la diseuse de Bonne Aventure ou pas. Et on peut voir à quel point je suis aussi très sérieux moi-même parce que je demande à Danny de m'aider dans son interprétation. Ben oui, c'est parfait. Évidemment, si t'es le centre de ton propre rêve, souvent, c'est le cas, en fait. Donc, souvent, on peut être à la fois trois personnages, quatre personnages dans le même rêve. Donc, on parle souvent du surmoi et de tout ça. Sans tomber dans ce qu'on a déjà vu dans nos cours au cégep, on va continuer. Le père d'une femme... on cherche définitivement le grand-père là, dont tu me parlais. Ah, oui. Rêver d'un conflit, rêver d'une rivalité... Rapport... Et lui, c'était très, très... comment je pourrais dire... lui est même venu... C'est pas moi, je me suis pas sécurisé dans ses bras. Même lui est venu me voir pour... Il était autant sécurisé par moi-même, par ma présence. T'sais, donc, c'est un échange. Là, oui, exactement. Familial. Je me sentais pas comme, mettons, le jeune enfant avec son grand-père. Là. Tu vois, les grands-parents mettent en évidence notre attitude par rapport à eux et aux traditions et croyances qu'ils nous ont transmises. On pourrait dire que les grands-parents ne savent pas s'ils ont fait un bon travail tant que leurs fils et filles n'ont pas eu leurs propres enfants. Bon, ça m'aide pas beaucoup, toi non plus, finalement. Non. Mais tout de même, on peut avoir une bonne idée. Et tu me dis, donc, il y avait une relation qui était... Qui était assez égale. Tu sais, c'était pas une relation père-fils, mettons. Là. C'était plus entre humains et puis pur. Ah, OK. Est-ce que ton grand-père avait son propre apparence, Danny? Parce que oui. Tu sais, souvent, quand on rêve avec quelqu'un qu'on connaît, par exemple, il rêve à ma sœur, elle va avoir l'air de... Elle ressemble pas du tout, là. Elle ressemble pas du tout, mais je sais que c'est ma sœur. Exact. Oui, non, il y avait totalement son apparence. OK. Parce que tu vois, on dit dans les rêves, nous sommes capables de manipuler l'image des membres de notre famille de façon à pouvoir surmonter nos difficultés sans nuire à personne. Il est intéressant de noter qu'une personne travaillant sur ses rêves peut avoir un effet considérable et profond sur les interactions et les liens inconscients entre d'autres membres de sa famille. Presque tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie sont reflétés dans la famille et, dans des périodes de stress, nous rêverons à des problèmes et difficultés déjà vécus en son sein. Donc, souvent, ce qu'on essaie de nous dire, finalement, c'est que si tu rêves, par exemple, à ton grand-père, je sais pas si ton grand-père est encore vivant. Non, aussi, non. Puis même à l'époque, il était mort. OK. Tu vois, mais souvent, l'image qu'on a de quelqu'un d'autre, c'est une sécurisation. C'est ce que moi, j'ai déjà lu. OK. Donc, souvent, si on pense à quelqu'un qu'on connaît qui nous fait du bien et on sait qu'on lui fait du bien, c'est un moment où on se dit, OK, là, à ce moment-là, j'ai besoin d'être rassuré et de rassurer quelqu'un. C'est une espèce d'échange yin-yang. Là. Donc, tu y en donnes, il t'en donne. Les plus adeptes vont peut-être penser aux 69 en même temps. Mais c'est l'échange qui se complète lui-même. On est au dîner de con, ouais, c'est ça, exactement. Avoir été dans un cours de philo, j'aurais fait autrement. Oui, surtout avec mon grand-père. Non, c'est pas là où je voulais en venir. Parce que tu vois, on parle aussi d'inceste dans mon livre et j'ai pas osé t'en parler. Non, parce que je me suis dit que c'était pas tout à fait là. C'était pas là le lien. Par contre, tu me parlais d'urgence. Ça aurait pu arriver, on sait jamais dans un rêve. Oui, hein. Tout à fait. Dans un rêve, tout on est libre. Tout se peut. Et parfois, on n'est pas si libre. C'est ce qui fait peur dans les rêves. Oui, t'as raison. Parce que parfois, on se réveille le lendemain matin et on se dit. Pourquoi j'ai pas été jusqu'au bout? Il me semble que j'ai fait ceci ou que j'ai fait cela que j'aurais pas vraiment osé faire autrement. Les fameux rêves où on se met en bobette ou tout nu dans notre cours de mathématiques au primaire. Oui. ces rêves-là, c'est pas des rêves qu'on se dit, ah, j'aurais dû l'essayer la semaine d'après, tu sais. Souvent, on se sent mal. Mais c'est drôle, tantôt, tu dis ça, diriger nos rêves. Et puis, je vous ai écouté l'autre fois avec Mathieu, quand tu étais avec Mathieu Plante et Charles. Et puis, je trouvais que c'était tout à fait vrai, par contre, qu'on peut, diriger un peu nos rêves le soir, là. On peut un peu se minder. Au départ de me répéter peut-être un peu, c'est vrai qu'on peut s'endormir puis avoir des trucs de relaxation, bon, peu importe. Puis chacun va trouver ses trucs qui vont mieux fonctionner avec lui-même, avec ses périodes de sommeil. Il y a des gens qui ont des périodes plus courtes, plus longues. Il y a des gens qui vont avoir un type de sommeil différent l'un de l'autre. Mais effectivement, si on se concentre avant de s'endormir sur un sujet, sur quelque chose, souvent on dit la nuit porte conseil. On dit, je vais penser à ça, je vais dormir là-dessus. Ouais, et ouais. Le matin, les gens reviennent et... En réalité, on sait très bien que c'est pas comme si on voulait faire une défragmentation de notre disque dur interne ou quelque chose. Là. On est en train simplement de dormir, mais notre cerveau, lui, va penser à plein de choses, va filtrer des données, filtrer de l'information, filtrer des idées. On pourrait dire que notre subconscient va penser à plusieurs choses, mais en réalité, à un certain moment, le rêve va nous aider à trier puis à avoir une meilleure vision des choses. Donc souvent, le lendemain matin, on se réveille, on a quelque chose de plus clair, ou souvent c'est plus nébuleux au début, au moment du réveil, ouais. Mais après peut-être quelques heures de réveil et de conscience dans le monde conscient, on finit par par avoir une meilleure opinion, une meilleure idée sur quelque chose. Se faire une idée, oui. Donc, si je te propose $1 million, si je te coupe les deux jambes, tu vas me dire, peut-être, je vais y penser. Je vais y penser. Ça se peut que tu me dises, je vais dormir là-dessus. C'est une drôle de décision pour penser à ça. Mais mettons que tu dors là-dessus, tu sais, ou tu fais une liste de pour et contre, ben, dormir là-dessus, peut-être que tu vas rêver, tu es dans la chaise roulante durant la nuit, puis là, tu vas comme. Tu vas dire, peut-être que je ferais mieux de garder mes jambes. Je vais garder mes jambes finalement. Mais où tu vas rêver, tu as $1 million, puis tu as. Des jambes robots. Des jambes robots en marbre. Et là, tu te dis. Fonctionne à merveille. Qui vont aussi. En fait, c'est des espèces même de beaucoup mieux que des vrais jambes. Un segway à la place des pieds. Donc, ben là, peut-être que je te dirais, ben, je prendrais le $1 million. Exactement. Donc, tu vois, tout ça grâce au rêve. C'est là où je voulais en venir aujourd'hui, ben, au dîner de con. Merci. Ben, c'est un plaisir. Écoutez, j'encourage les gens à rêver. Puis surtout, je rappelle encore le petit truc que j'avais donné la dernière fois que j'avais parlé des rêves. Oui. De prendre une petite note. Donc, d'avoir un calepin, un crayon papier. Parce qu'il ne faut pas chercher. Hein. Sinon, tu parlais de iPad. Ça peut être votre iPad sur lequel vous allez écrire vos données. C'est trop. Mais je pense que c'est trop parce que la lumière va te réveiller encore plus. Donc, c'est mieux de le temps que tu sois dans l'application, tu vas oublier. Ou sinon, tu sais, ouvre toujours un fichier bloc-notes sur ton ordinateur portable sur le pied du lit ou quelque chose. Mais d'avoir quelque chose pour noter, donc à tout moment de la nuit, si on se réveille pour prendre une gorgée d'eau, aller manger des biscuits ou flatter son chat, on peut aller prendre en même temps une petite note de qu'est-ce qu'on vient de se rappeler, même si c'est un ou deux mots-clés qui ont l'air d'avoir aucun sens. Éventuellement, quand on va les relire, on va retomber dans l'état où on était au moment de notre réveil. Donc, on va retomber dans l'image du rêve. Et possiblement qu'on va pouvoir mieux interpréter nos rêves. Et plus on va être conscient de nos rêves, plus on va souvent se rappeler de nos rêves par la suite. Et c'est une boucle sans fin jusqu'à ce qu'on oublie la réalité pour être toujours dans le monde du rêve. Ben, c'est ce que j'allais dire. Finalement, il faut que le rêve mène notre vie. Ben, tout à fait. En fait, c'est ça. Il est là pour ça. Ben, puis je veux dire, si on rêve pas, on est quoi? De vulgaires êtres humains. De vulgaires animaux. De vulgaires animaux. Et même les animaux, hein, les chiens, on les voit qui courent. Plusieurs animaux qui. On les voit qui courent dans leur sommeil. Oui. À savoir si c'est un réflexe nerveux, si quelque chose dans le rêve. Peut-être, parlant de ça, je suis en ce moment en train de découper des clips, OK, pour des projections vidéo pour mon show de samedi. Et puis, j'ai trouvé un truc qui était, ben, peut-être tu connais ce vidéo d'archives qui nous vient de la Russie des années 50. Le chien qui a juste une tête, finalement. Et puis, ils le font réagir. Avec une espèce de cœur artificiel. Oui, puis ils vont connecter les nerfs. Avec de l'acide citrique sur la langue. Et puis, il bouge, il fait des mouvements d'œil, etc. Tout de même, assez intéressant quand même. Comme image, oui, tout à fait. Ben écoute, c'est les Russes dans les années 50, alors on peut pas. Il n'y avait pas grand plus. Limite, là. Non, puis d'ailleurs, et ça, c'est ce qui est maintenant tourné. Il y a des limites. Comme il ne doit pas en avoir plus. 61 ans plus tard, est-ce qu'il y a vraiment des limites en Russie? Peut-être que dans 60 ans, on trouvera des vidéos d'hommes, tête coupée, et puis qu'on fait réagir. 60 ans, il me semble que c'est un peu trop. Ouais, c'est même moins. Écoute, c'est trop Danny, long. Je répondrai à ça. Je vais dormir là-dessus. Je te reviens très bientôt. Merci, Rémi. Donc, sommité scientifique, si même au dîner de con, merci à Rémi Francoeur. Nous, on va aller en musique avec un autre sommité scientifique, parce qu'on sait, il est scientologue, Beck. On écoute ça à l'instant. Like the keys of the car, so it legs of the wild. A desert to rain when the wave wouldn't play. Waiting for rain in the deck, and afraid of what pain might do to the pressure renewed before we have to move on. And if I pass for you, we'll

Oui, oui. Ben c'est oui, vrai. Parce qu'entre 13h et 14h, il y a un extrait de l'émission Pure Laine que tu animais avec Geneviève Marchand. Ah, ben oui. Et on rembobine jusqu'en 2005 et c'est un extrait de ton émission qu'on va écouter. Ben oui, puis j'ai hâte de recevoir mon chèque dans mal. C'est pareil, j'ai des redevances. Mais ben, c'est ça, il est dans mal. Il est dans mal. Comme dans j'ai dit sur Facebook, c'est un pourcentage du salaire que tu as eu à l'origine de la diffusion de cette émission. Ça va m'aider à payer mes impôts cette année. C'est ça. Donc, c'était fou, c'est cet après-midi à 13h les jeudis. Sinon, ça rejoue les mardis à 9h pour ceux qui écoutent ailleurs, comme tu disais. Oh oui. À d'autres moments, cette chronique politique Logocratie 101. À la semaine prochaine, jeudi à 8h30. Bonsoir, Marie. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On y va avec un chien qui vaut plus $1 million. Ça commence à faire pas mal le chien, hein, quand même. C'est le journal Telegraph qui rapporte qu'un mastiff tibétain prénommé Big Splash a trouvé preneur pour la somme record de $1.1 million. Ce chien, traditionnellement celui qui veillait sur les camps de nomades et les monastères tibétains dans cette culture asiatique. Cette race canine est parmi les plus anciennes du monde et la légende raconte que Genghis Khan et Bouddha, rien de moins, hein, des petits personnages un peu connus, possédaient un compagnon de ce type, donc de la race mastiff tibétain. Dans la culture chinoise actuelle, ce chien est très prisé, difficilement accessible en dehors de la Chine et plus particulièrement dans la région tibétaine. Cet animal est considéré comme une pure race chinoise et est inégalable. Les prix ont d'ailleurs bondi en quelques années et peut désormais atteindre quelques millions de yuan pour un seul chiot, signe extérieur de richesse. Les nouveaux riches de l'empire du milieu se l'arrachent. Big Splash, lui, est âgé de 11 mois et fait environ 80 kilos, selon son éleveur Lou Liang. Je cite Lou Liang, et il a d'excellents gènes, ce sera un chien bien élevé, déclare-t-il. Quand j'ai commencé dans ce métier il y a 10 ans, je n'ai jamais pensé que nous pourrions vendre des chiens à un tel prix. Sans dévoiler l'identité de l'acheteur, il a précisé que c'était un millionnaire du nord de la Chine qui avait acheté la bête pour 10 millions de yuan, soit environ 1,1 million d'euros. L'acheteur m'a dit qu'il pensait que c'était un bon investissement, comme un chien mâle peut être loué à d'autres éleveurs. 100 000 yuan pour tenter une seule fécondation, il pourrait récupérer son argent en quelques années. Monsieur Lou a dit que Big Splash avait été nourri avec un régime de poulet et de bœuf agrémenté de spécialités chinoises exotiques, telles que les concombres de mer et de l'ormeau, ce qui justifie un tel prix. Le prix justifié, je cite Monsieur Lou, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour élever ce chien et nous avons dû payer les salaires d'un grand nombre de personnes pour s'en occuper. Donc, allez voir l'article sur la page Facebook du Dîner de cons. C'est une belle bête rousse, assez intéressante à regarder quand même si je trippe pas chien en tant que tel. C'est quand même une belle bête. On y va avec Chatroulette. Hein? On pensait que c'était mort, Chatroulette, mais donc, il y a encore des surprises à nous offrir. Eh bien, maintenant, c'est une demande en mariage qui fait parler sur le web. Dana, une brunette bien mignonne, attend un peu blasée le prochain chat, mais c'est son jour de chance. Le mec sort de sa guitare et commence à lui jouer une sérénade. Visiblement, sa sérénade est beaucoup plus efficace que de lui avoir montré son engin, car la chanson romantique conquiert la belle qui accepte la demande en mariage de l'inconnu à la fin. Donc, c'est quand même intéressant. Une petite nouvelle comme ça, cute. On pourrait dire une petite nouvelle cute. Et puis, on y va avec un dernier sujet, parce que c'est deux articles qui composent ce sujet. Le premier article qui était sorti sur le fil de presse nous parlait d'un jeune homme qui pirate les écrans géants de Times Square à l'aide de son iPhone. Je vous parle de l'article, puis après je vous parle des réactions que les internautes ont eues vis-à-vis ce film. Derrière le pseudonyme de BitCrash44 se cache un pirate informatique hors pair, nous dit-on dans l'article, ou un fantastique charlatan, on le sait pas. Paru sur la toile depuis deux jours, une vidéo réaliste réalisée par cet internaute se montre en train de pirater les écrans publicitaires répartis dans Times Square à New York. Armé de son seul iPhone et d'un adaptateur qui sert d'émetteur-récepteur, il diffuse sur les téléviseurs de la place des séquences vidéo issues de son téléphone. Aujourd'hui, cette vidéo suscite un grand débat sur la toile. Est-ce un fake ou est-ce véridique? Pour certains, il est tout bonnement impossible de pouvoir transmettre une vidéo via le téléphone d'Apple et pense donc qu'il s'agit d'un simple montage. Pour les partisans de la vidéo véridique, c'est tout simplement une prouesse technique dont seul l'internaute a le secret. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, justement, la théorie du fake sur le net nous se confirme de plus en plus après ce buzz provoqué par cette vidéo. On nous dit que de nombreux internautes sceptiques n'ont pas voulu tomber dans le panneau et ont tout de suite dénoncé l'imposture en décortiquant la vidéo et les moyens techniques utilisés pour réaliser une telle prouesse. Donc, on nous dit que le dispositif est impossible à mettre en place. Tout d'abord, à la 34e seconde du film, il est possible de voir un arrière-plan, une vidéo de l'homme déjà projetée sur un panneau publicitaire alors qu'il n'a pas encore commencé le piratage. Et lorsqu'il s'approche du premier écran, les séquences auraient donc été simplement préenregistré et savamment monté par la suite, explique un site Internet. Ensuite, on nous dit que les capacités techniques de l'iPhone ne justifient pas une telle prouesse pour une simple raison. Les publicités qui sont envoyées sur les écrans de Times Square le sont faites par via un réseau interne et non accessible par le Wi-Fi. Et donc, il aurait fallu que le pirate, avec l'aide d'un ordinateur, passe les barrières de sécurité informatique interne de la société qui diffuse ses publicités. Et puis, c'est pas nécessairement facile. Là, on nous parle peut-être que ce serait une campagne publicitaire. La question se pose. Comment les vidéos sont-elles apparues sur les écrans s'il n'y a pas eu de piratage? Eh bien, les internautes pensent qu'il s'agit en réalité d'une publicité pour une certaine société qu'on ne sait pas encore et que l'homme aurait simplement joué un rôle et le montage aurait fait le reste. En clair, tout ce buzz ne serait donc qu'une vulgaire campagne de publicité, mais en attendant le fin mot de l'histoire qu'on ne sait pas encore, on se demande qu'est-ce qui arrive. Et celui qui a publié cette vidéo a promis qu'il diffuserait une autre vidéo dans la semaine où il expliquait tout, et donc tout serait démystifié. Parce que j'ai vu la vidéo, ça semble réaliste, mais aujourd'hui, avec les prouesses du montage, avec nos machines justement de montage, avec Final Cut, Premiere, After Effects surtout, et puis plusieurs autres plugins, c'est possible de pirater une vidéo comme ça. Mais bon, c'est quand même intéressant et ça fait parler sur Internet. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Bonjour Simon. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Très bien, vous aussi? Oui. Vous êtes très beau en vert aujourd'hui. Merci beaucoup. T'as un bonbon qu'on pourrait toujours pas faire cette blague là. Mm-hmm. Tout à l'heure, je vais dire, bon, à s'en lécher les doigts, mais apparemment que ça passe pas. Non. Bon. Donc, Simon, tu me parles des Doors aujourd'hui avant que je prenne moi-même la porte. Oui, je viens vous parler des Portes, exactement. Un groupe qui, malgré son statut éphémère, est devenu une légende, puisque peu de groupes ont atteint le statut de légende, justement, avec une carrière éphémère qui a duré seulement quelques années. Par contre, une étoile filante perce parfois le firmament et crée une telle commotion qu'il est dur d'oublier à quel point elle nous a frappé de plein fouet. Messieurs, donc, ce matin, nous aurons aujourd'hui la plus belle comète du rock, les Doors. Yes. Ah, c'est pas pire. Ah oui, c'est très bien. La fondation des Doors origine de la même manière que la plupart des groupes, c'est-à-dire une rencontre. Une rencontre entre deux personnes qui ont changé leur vie à jamais, c'est-à-dire Ray Manzarek, pianiste de 26 ans, qui a été présenté au jeune Jim Morrison par des amis en commun lorsqu'ils sont à Venice Beach à Los Angeles en 1965. Manzarek, qui jouait déjà au sein d'un groupe, réussit à convaincre Morrison de lui chanter certaines de ses compositions et subjugué par ses talents de compositeur, Manzarek lui propose de former un groupe.

pour alerter sur un colis suspect d'où l'on entendait un tic-tac. Le bâtiment de la poste donc a été encerclé par les forces de l'ordre et les gens ont été évacués. Dans le colis, des démineurs ont découvert le fameux vibromasseur. La porte-parole a indiqué que le sextoy serait mis à fonctionner par erreur, faisant alors craindre à une bombe. De là, le petit cliquetis, la petite vibration finalement. Il faut dire que les Russes sont sur le qui-vive depuis l'attentat de l'aéroport de Domodedovo le 24 janvier dernier qui a fait 37 morts. Cet acte a été revendiqué par le chef de la rébellion islamique Doukou Oumarov et donc qui a annoncé une année de sang et de larmes pour la Russie. On les comprend, mais bon, c'est plus joyeux un sextoy, un beau gros dildo, qu'une bombe, hein, quand même. On se pose la question, pourquoi aime-t-on la musique triste? Il y a une étude qui vient de sortir là-dessus. Et d'après l'hypothèse d'Huron, relayée par l'article du San Francisco Classical Voice, tout le monde n'aurait pas le même taux de prolactine dans son organisme. Pour la vérifier, le scientifique a procédé à des prises de sang sur plusieurs patients. Il en est ressorti que ceux avec le plus haut taux étaient également ceux qui appréciaient le plus l'écoute de morceaux tristes. L'explication du chercheur, eh bien, je l'ai dit, quand vous traversez une période de deuil comme la mort de votre chien, où vous recevez un afflux de prolactine qui vous aide donc à gérer ce deuil. La prolactine est comme un peu comme Mère Nature qui vous prend dans ses bras et vous console et vous dit voilà, voilà, c'est fini, tout doux, tout doux. Mettons-nous-en à la situation et prenons le titre de champion en la matière, un morceau de Radiohead par exemple. Vous l'écoutez, la musique agit alors sur votre cerveau. Ce dernier sent alors que quelque chose ne va pas et se met en mode chagrin. Votre organisme reçoit alors une dose de prolactine afin de vous aider à vous sentir mieux. Mais voilà, la partie cognitive de votre encéphale n'est pas dupe et c'est très bien qu'il n'y a aucune raison de s'attrister car vous ne vous êtes pas fait larguer ou il n'y a rien. Vous n'avez pas perdu aucune personne, ni votre chien, ni personne. Votre chien est encore en vie, vous le voyez, il est là. Il s'agit seulement de la pièce Karma Police qui passe dans vos enceintes. Rien de plus. À ce moment-là, vous avez la production de prolactine, donc sans la douleur psychique. Donc, à la fin de votre journée, vous vous sentez plutôt bien, explique Huron, le chercheur. Si l'on se réfère au dire du scientifique, pour ceux qui n'en ressentent rien, c'est que votre afflux de prolactine reçu n'est pas assez conséquent, tout simplement. Pensez-y donc à deux fois la prochaine fois que vous avez besoin d'un petit coup de boost. Laissez tomber l'alcool ou tout autre psychotrope, un bon Cabrel et il n'y paraîtra plus. Ça dépend, hein? Cabrel, ouf, Francis Rougeau. Voir aussi, à peut-être choisir votre musique, hein, qui est un peu triste. Donc, je pense que je choisirais plus Karma Police que Francis Cabrel. À vos marques. Prêt? Parti! Hey, toi! Ouais? Oui, toi, le coureur. Ah ouais, abat. On ira pas vite, ça ferait pas mal. Je vais te donner une chance. Kim, mon doux, que c'est gentil. Je le sais pas. Je ne le sais pas aujourd'hui si je serai gentil. Eh bien, Johnny Hatch. Et puis, ben tiens, pourquoi? Eh bien, premièrement, on va expliquer pour les nouveaux, hein, pour les nouveaux arrivants. Qu'est-ce que la chance au coureur? Eh bien, on reçoit ici, à C'est fou, des tonnes de copies, des tonnes de CD. Et puis, on n'a pas nécessairement le temps de tout écouter. Et puis, la chance au coureur, eh bien, c'est qu'on prend un album sans l'écouter et on le découvre avec vous en même temps à la radio. Aujourd'hui, Johnny Hatch, pourquoi je me dis que peut-être que j'aimerais pas ça? Eh bien, c'est simple, très, très simple. C'est que le monsieur nous donne un petit dossier de presse, une feuille explicative, ce qui est très bien, hein, à la base, c'est parfait. Mais des fois, tu sais, les gens veulent un peu trop plaire. Et puis, dans le cas de Johnny Hatch, eh bien, je pense qu'on veut un peu trop plaire. Et puis, je vous explique pourquoi. Sur l'affiche, eh bien, bien sûr, c'est le fun. Souvent, on va donner une indication du style de l'artiste, tu sais, mettons, pop rock ou quelque chose du genre. Eh bien, lui, Johnny Hatch, eh bien, il est tout. Hein? C'est un homme tout à fait complet, mais à l'extrême, là, hein? Parce que je vous dis juste seulement comme ça, le titre de la première pièce s'appelle Echo, un bon titre, hein? Il y avait même Pink Floyd qui a fait une pièce là-dessus. Eh bien, le style, eh bien, pop rock mid-tempo ballade. Ça peut passer, OK? On s'entend, ça peut passer. Mais la deuxième, pour un gars qui fait du pop rock mid-tempo ballade, eh bien, s'appelle In Helle. Elle, c'est du disco rock, OK? Hein? On s'entend. Ensuite, la troisième, eh bien, Lucky Seven, yeah. Elle, c'est du catchy indie rock. Mais il y en a une, moi, là, là la cinquième piste sur l'album s'appelle Let There Be Peace. Et elle, tenez-vous bien, c'est du world beat folk rock dance. Donc, on comprend ici que le monsieur, là, avec sa compagnie sûrement de disques, ou ben en tout cas son gérant, ils ont décidé que si on a une pièce de chaque style de musique sur l'album, eh bien, on va pouvoir jouer dans toutes les radios. Alors, ben tiens, on va aller en écouter une. Et puis, tiens, comme j'aime un peu l'électro, on va aller écouter Inhale, qui est supposément du disco rock. Et puis, on va voir. On va écouter. En tout cas, hein, je sais pas, peut-être que c'est excellent, peut-être que je vais dire wow. Mais si je dis wow à celle-là, peut-être que l'autre après, je l'aimerais. En tout cas, on va se faire notre propre idée. On écoute quoi donc Johnny Hatch à l'instant là. Driving down the old freeway, the 110 takes us to the 10 to play. J'ai été surpris. Johnny Hatch, pas si mal que ça quand même avec sa pièce In LA. Mais on rappelle que monsieur, si on aime cette pièce-là, ben on n'aimera pas les autres parce que les autres sont, il paraît, d'un autre style complètement différent. Il y a une autre pièce. Ah non, c'est toujours In LA. Il y a le Dance Party Mix. J'aurais dû mettre ça. Ça nous aurait donné du Party Mix dans la cravate, en arrière de la cravate. Mais bon, Johnny Hatch, pas si mal quand même, catchy quand même, pas si pire. J'ai quasiment le goût d'aller écouter une autre pièce. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.